il faut produire beaucoup. Consommer du temps, on te fait payer cash dans les supermarchés, dans les supermarchés. Et au bout du compte, ce qui te reste quand t'es à la retraite. Un bon salaire, les congés payés, tout ça c'est pas...